t'es pas là. Elle aimerait un duplicata. Possession amour, tiki-taka. Je suis sous Jack, elle sous tes matchas. Je me suis attaché. À la base, je voulais que ça chata. Le faire sur Windows Shop, elle smoke la weed comme Wiz Khalifa. Tu m'en veux d'avoir des love affaires, mais je veux pas rester locataire. Elle connaît mon G-A-N-G. Suis-moi dans ma fast life. T'es relou, mais les autres font pas le poids. J'espère que t'as compris la phase là. T'es ma black widow, ma baby mama. T'es ma locomotive, chouchou, baby toutou. J'me suis mis dans des galères pour you, Charlotte, piou piou. Rêve d'un doudou, pas d'un toutou, tout le monde. T'es ma locomotive, chouchou, baby toutou. Dans tout, tout, tout.